kiffé ça. J'en ai un ampli si vous voulez un cube à vendre. J'ai mon cul à vendre. Je trouve pas d'accord.